ces gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on y si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Se faire des œufs au jambon, du pain grillé, du café chaud. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Le réveil vient.